طيب وكمس إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on continue aujourd'hui, c'est le cours 3 dans la lecture du livre As-Salafiyyah wa al-Khitab al-Dini. Cheikh Mohamed Bazmoul, docteur Cheikh Mohamed Bazmoul, al-mudarris fi Jami'at Umm al-Qura, hafizahullah. Et donc ce livre, c'est un livre qui répond à certaines critiques qui sont lancées contre la Salafiyyah. Et donc on va répondre à ces critiques, inshallah, avec les paroles de Cheikh Mohamed Bazmoul. Hier, on a clarifié la question au sujet de la personne qui dit que la salafie, elle n'est pas ouverte au dialogue et elle repousse ses opposants. Et donc on a mentionné exactement la preuve de l'attitude et de la position des salafs, justement en mentionnant Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu lorsqu'il est allé discuter avec les khawarij pour les ramener à la vérité, pour leur clarifier leurs erreurs et les ramener à la vérité. Et on pourrait mentionner parmi les exemples des ulama salafiyin contemporains, yani l'exemple de Cheikh Mohamed Nasruddin Al-Albani rahimahullah, puisqu'il était toujours ouvert au dialogue et aux échanges, et il s'assoyait avec des individus même qui sont parfois parmi des innovateurs ou des gens d'égarement, et puis il s'assoyait avec eux et il leur montrait la vérité, il répondait à leurs ambiguïtés et il clarifiait la vérité pour eux. Donc ça, c'est un exemple des ulama contemporains qui ont fait preuve d'ouverture et qui étaient toujours prêts à dialoguer et à clarifier la vérité. Et on a expliqué que Allah subhanahu wa ta'ala, il a incité à ça dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. C'est-à-dire, invite au chemin de ton Seigneur avec sagesse et avec la bonne exhortation et argumente et discute avec eux de la meilleure façon. Et aussi il dit: wala tujadilu ahla al-kitab illa billati hiya ahsan. N'argumentez pas ou ne discutez pas avec les gens du livre excepté de la meilleure façon. Illa alladhina zalamu minhum. Excepté ceux d'entre eux qui sont injustes. Donc maintenant on va passer à la deuxième critique, le deuxième point qui est mentionné. Il dit: قولهم إنه يعني يقولون إنه خطاب تراثي يريد أن يرجع المجتمع للوراء وأن نحكم بموازين العصور والأزمنة الماضية. Donc ça veut dire que il critique la salafie en disant que c'est un discours qui est traditionnaliste et que c'est un discours qui veut ramener la société vers le passé, vers qu'est-ce qu'il y a en arrière, à des époques, pour que les gens jugent par des critères des époques qui sont passées. Le Cheikh Bazmoul, Cheikh Mohamed Bazmoul, il dit: أقول لا أفهم معنى تراثي في هذا السياق. هل الرجوع إلى آثار السلف وما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة هو المراد بوصف التراثي؟ هل يستطيع أهل علم من العلوم أن يتطوروا في مجالهم دون أن يبنوا دراساتهم وأبحاثهم على ما سبقهم ويبدأوا من حيث انتهى من قبلهم، وهكذا في كل شيء؟ وهذا ما يقتضيه العقل الصحيح والنظر المستقيم، فلماذا ينقم ذلك على السلفيين؟ Donc le Cheikh Mohamed Bazmoul commence en disant: je ne comprends pas la signification du terme ici traditionnaliste dans ce contexte. Est-ce que de retourner aux narrations des salafs, c'est-à-dire les pieux prédécesseurs, est-ce que suivaient le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les sahaba, est-ce que c'est ça qu'on veut dire par la description du terme traditionnaliste ou traditionnel? Est-ce que quelqu'un qui fait partie des gens qui ont étudié une science quelconque, est-ce qu'il est capable de faire évoluer ce domaine d'étude ou cette science en particulier sans se baser sur les études et les recherches qui ont été faites par ceux qui ont précédé, et sans commencer à partir de là où ceux qui étaient avant lui ont terminé? Donc ça, c'est la même chose dans toute chose, dans toute étude, dans toute recherche. Tu te bases toujours sur ce qui t'a précédé, et c'est ce qui est impliqué par la raison saine et par l'observation qui est droite. Alors qu'est-ce qu'ils veulent blâmer, hein, en disant ce genre de propos contre les salafiyins? Ils essaient de dire quoi en fait? Qu'est-ce qu'ils nous reprochent exactement? Donc, Cheikh dit: إن المنهج السلفي يقوم على أو يقوم في فهم نصوص الشرع على ضوء فهم السلف الصالح من الصحابة ومن وتابعيهم بإحسان. وهذا أصل في التلقي يتميز به هذا المنهج عن غيره. فلا يعتمد السلفيون على مجرد اللغة أو العقل في فهم نصوص الكتاب والسنة، لأنهم يعلمون أن السلامة في الاتباع والخطر في الخروج عن هذا السبيل. قال تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وعن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وسبق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر التفرق وذكر الفرقة الناجية، فسئل عنها فقال: ما أنا عليه وأصحابي، والرجوع في كل فن إلى أهله مما تعارف عليه الناس. Donc le cheikh, il explique que le manhaj salafi, le manhaj des salafs, il est basé et établi sur la compréhension des textes de la révélation, c'est-à-dire du Coran et de la Sunna, à la lumière de la compréhension des pieux prédécesseurs, des sahaba et de ceux qui les ont suivis de la meilleure manière. Il dit que c'est ça la base de référence qui les distingue de toute autre méthodologie ou de tout autre manhaj. Il dit donc les salafis, ils ne se basent pas ou ils se reposent pas sur autre chose, hein, pour comprendre ou pour, disons, pour il dit que les salafis, pour comprendre les textes du Coran et de la Sunna, ils ne vont pas uniquement se baser sur la langue ou bien se baser sur la raison, pour comprendre les textes du Coran et de la Sunna, parce qu'ils savent que le salut et le fait d'être exempté de toute chose qui pourrait nous faire du tort, et comme égarement ou déviation ou problème dans la compréhension, eh bien ça c'est uniquement dans le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de suivre la compréhension des pieux prédécesseurs. C'est là-dedans qu'il y a la sécurité pour celui qui veut être sur le droit chemin, et que le danger vient du fait de sortir de ce chemin. Le danger vient du fait de sortir de cette voie. Et la preuve de ça, c'est dans le verset 115 dans Sourate An-Nisa, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et quiconque fait scission avec le messager après que la guidance lui a été clarifiée, et qui suit autre que la voie des croyants, nous le laisserons se détourner tel qu'il s'est détourné, et nous le brûlerons en enfer. Et quelle mauvaise destination! Et il dit, selon Abdullah radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les meilleurs hommes sont ceux de ma génération, puis ceux qui viennent par la suite, puis ceux qui viennent par la suite. Et ensuite, il y aura des gens qui viendront parmi les gens dont le témoignage précède leur serment, et dont le serment précède le témoignage. C'est-à-dire, c'est des gens qui ne seront pas honnêtes par la suite. Il y aura des gens qui ne seront pas comme ceux qui ont précédé. Et il dit ensuite: وَسَبَقَ حَدِيثُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. On a déjà mentionné le hadith du messager sallallahu alayhi wa sallam à propos de la division de la Umma, et que la Umma va se diviser en 73 sectes, et qu'il y a un seul groupe qui sera sauvé. Et il a décrit ce groupe en disant que c'est celui qui suit ce que je suis moi-même ainsi que mes compagnons. Et donc, dans toute science, dans tout domaine d'études et de recherche, eh bien, on retourne aux gens qui maîtrisent et qui sont les spécialistes dans cette science et dans cette branche ou dans ce domaine. Et ça, c'est quelque chose que les gens connaissent. C'est quelque chose qui est connu par tout le monde. Et donc, si c'est le cas en ce qui concerne les sciences de la dunya, et les connaissances au sujet des différents domaines de la dunya, alors que dire de la religion, si tu veux la comprendre comme il faut retourner aux gens qui sont à la base, qui sont spécialistes dans cette science. Et personne ne maîtrise et ne connaît mieux la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala après le prophète sallallahu alayhi wa sallam que les sahaba. Et le cheikh il dit ensuite: wa hal ra'ayta man yastati'u an yutawwira fi fannin min al-funun duna ar-ruju' ila ahlihi والدراسات السابقة ليبني عليها إن الانفصال عن السلف في فهم القرآن العظيم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم انفصال عن سبيل المؤمنين وعن خير القرون واندراج في سلك أهل التفرق والاختلاف بل وطريق إلى الزندقة في الدين فإن تفسير الدين إما أن يرجع فيه أو يرجع في أن يرجع فيه إلى سبيل المؤمنين المذكور، وإما أن نقع فيه بين اتجاهات عندية أو عنادية أو لا أدرية. Donc le cheikh il explique que est-ce que tu as vu quelqu'un qui est capable d'avancer dans une science, parmi les sciences, sans retourner aux gens qui sont les plus spécialisés dans cette science et les plus savants dans cette science, et sans retourner aux études précédentes pour baser qu'est-ce qu'il va écrire sur qu'est-ce qui a été écrit précédemment ou avant lui? Donc ça c'est un fait, c'est quelque chose qui est réel lorsque tu fais une recherche dans quel, n'importe quel domaine de la, des sciences de la dunya, tu vas toujours retourner aux études qui ont été faites par les spécialistes qui t'ont précédé. Ça c'est normal. Eh bien le cheikh il dit de se séparer hein, des salafs dans la compréhension du Coran et dans la compréhension de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, hein, c'est de se séparer de la voie des croyants et de se séparer des meilleures générations, comme on l'a dit dans le verset et dans le hadith. Et donc celui qui se sépare de la voie des croyants et des meilleures générations, eh bien il va tomber dans une des voies des gens de la déviation, de la divergence et de la division. Et il risque même de tomber dans la voie des gens de l'hérésie, dans la religion, Zandaqa, hein, la voie des hypocrites et des égarés. Car le fait d'interpréter la religion, c'est soit que tu reviens à la voie des croyants, qui sont mentionnés dans le Coran, dans le verset 115, dans Surat al-Nisa, ou bien que tu vas suivre d'autres tendances, d'autres orientations déviées. Soit que tu vas interpréter le Coran à ta propre façon, soit que tu vas t'opposer hein, à ce qui a été expliqué, mentionné par les salafs, ou bien soit que tu vas suivre la voie de l'ignorance et de ceux qui ne connaissent pas. Et donc il dit taratan tajidu man yaqulu fi tafsir ad-din hadha huwa al-murad 'indi wa dhaka huwa al-murad 'indak wa taratan tajidu man yaqul hadha huwa al-ma'na mahma aqamta adillatan 'ala khilafihi wa taratan tajidu man yaqul la adri yumkinu an yakuna hadha wa yumkinu an yakuna hadha هل هذه إلا طرائق السفسطة التي ينفون بها حقائق الأشياء فيسلكها هؤلاء وتنتفي حقيقة الدين. Donc le cheikh il explique que parfois tu vas trouver des gens qui vont parler dans l'interprétation de la religion, puis certains vont dire ça c'est la signification pour moi, c'est ça que ça veut dire. Et ça c'est ce que ça veut dire pour moi et ça c'est ce que ça veut dire pour toi, comme si chacun avait son opinion dans le Coran ou dans la Sunna, chacun pouvait interpréter à sa propre façon. Ou bien des fois tu vas trouver celui qui dit que ça c'est la signification, peu importe qu'est-ce que tu vas me ramener comme preuve qui vient contredire ça, c'est ça pour moi qui est vrai. Ça c'est al-inadiyya. C'est-à-dire, peu importe qu'est-ce que tu m'amènes comme preuve, peu importe, je ne vais pas l'accepter, je ne vais pas y croire, je vais juste suivre cette compréhension-là. Ça, c'est une autre position, une autre attitude qui est dangereuse. Aussi, il y a une autre attitude, tu trouves la personne qui dit, par exemple, moi je ne sais pas, c'est possible que ce soit ça, c'est possible que ce soit ça la vraie signification. C'est-à-dire, la personne, elle ne sait pas. Hein, elle est dans le doute, dans ni l'incertitude. Et donc le cheikh il explique qu'il dit, et il dit ça, est-ce que c'est autre chose que la voie des sophistes? Yani les sophistes, c'est des gens qui se basent sur des faux raisonnements pour arriver à une conclusion. Hein? Qui se basent sur des faux raisonnements, des choses qui sont illogiques. Et il dit que ces gens-là, ils réfutent, où il rejette les réalités, la réalité des choses connues, des choses acceptées par tout le monde et qui sont vraies. Et eux, ils les rejettent. Et ils suivent d'autres voies pour renier la réalité de la religion. Il dit Inna ahla sunna yufassiruna ad-din bidhalika as-sabil. Amma umur ad-dunya fa idha lam tukhalif ash-shari'a fal aslu fil ibadat wal mu'amalat al-ibaha. وأن ينظر الناس إلى ما ينفعهم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون فقال لو لم تفعلوا لصلح قال فخرج شيصا فمر بهم فقال ما لنخلتكم أو ما لنخلكم قالوا قلت كذا وكذا قال أنتم أعلم بأمر دنياكم. Donc le cheikh, il dit, les gens de la sunna, ils interprètent la religion par cette voie, c'est-à-dire la voie des croyants. En ce qui concerne les affaires de la dunya, qui ne sont pas en contradiction avec la charia, eh bien, la base à ce sujet-là, dans les questions des choses mondaines, des choses qui ont rapport avec les habitudes et les interactions qui sont licites, hein, les choses de la dunya, c'est que les gens regardent et observent selon ce qui est bénéfique pour eux, et ils le font. Ils font qu'est-ce qui est permis, hein, des affaires de la dunya, tant que c'est pas en contradiction avec l'islam, il n'y a pas de problème. Et il mentionne le hadith qui est rapporté par l'imam muslim, hein, par l'imam muslim selon Anas radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé près des gens qui étaient en train de faire la pollinisation en mettant deux fleurs ensemble sur un palmier. Et la raison pourquoi ils faisaient ça, c'est pour que le pollen se touche avec les fleurs des palmiers, pour qu'il y ait des dattes qui poussent. Parce que lorsqu'ils ne faisaient pas cette méthode-là, d'attacher les deux fleurs ensemble, puis de les fermer pour qu'il y ait une pollinisation, ils voyaient que les dattes sortaient, mais elles étaient petites, c'était pas des bonnes dattes. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pourquoi vous faites ça, hein? Si vous les laissiez telles quelles, ce serait bon, hein? Alors qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il est passé et il a trouvé que les dattes sont sorties, mais elles n'étaient pas bonnes. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé, qu'est-ce qu'ils ont vos palmiers, et ils ont répondu en disant une explication, comme ça, en voulant dire on n'a pas fait la pollinisation et finalement ça n'a pas sorti bien. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous connaissez mieux les affaires de votre dunya. Un autre hadith, c'est rapporté également par l'imam muslim. Et c'est rapporté selon Moussa ibn Talha an abihi. C'est-à-dire, Moussa ibn Talha an abihi, selon son père. Il dit, قال مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل فقال ما يصنع هؤلاء فقالوا يلحقحونه يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظن يغني ذلك شيئا قال فأخبر بذلك فتركوه فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به فإني لن أكذب على الله عز وجل. Donc ça, c'est une autre narration rapportée par, on a dit, par Moussa ibn Talha. Selon son père, il dit, radiyallahu anhu, je suis passé avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il y avait des gens qui étaient en train de grimper dans les palmiers. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'est-ce que vous faites, hein, qu'est-ce qu'ils font ceux-là? Alors il a répondu, il a dit, ceux-là, ils pollinisent les palmiers. C'est-à-dire que la partie femelle et la partie mâle, ils les mettent ensemble pour que ça pollinise le palmier, pour qu'il y ait des dattes meilleures. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, je ne pense pas que cette chose-là peut profiter en quoi que ce soit. Alors ils ont été informés de cela, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit ça, alors ils l'ont laissé. Ils ont cessé de le faire. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été informé qu'ils avaient cessé de le faire. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si cette chose-là, elle est profitable pour eux, qu'ils continuent à le faire. Car j'ai seulement dit une chose, il y en a selon ce que je pense. Alors ne me blâmez pas pour une pensée que j'ai eue, ou quelque chose que j'ai eue, ne me faites pas de reproches pour ça. Mais par contre, si je vous mentionne quelque chose venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors sachez que je ne vais pas mentir sur Allah. Je ne vais pas mentir sur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit ensuite, فَلَا يَحْكُمُ السَّلَفِيُّونَ فِيمَا يَنْفَعُ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا وَلَا يُخَالِفُ الشَّرْعَ بِمَوَازِينَ الْعُصُورَ وَالْأَزْمِنَةِ الْمَاضِيَةِ وَلَكِنْ زَمَانٌ وَمَكَانٌ مَا يَخْتَصُّ بِهِ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا. Il dit لِكُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ مَا يَخْتَصُّ بِهِ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا فِيمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَلَا يُخَالِفُ الشَّرْعَ وَيُرِيدُونَ أن يرجع المجتمع للوراء بل يريدون له التقدم والنماء. يعني لا يريدون أن يرجع المجتمع للوراء بل يريدون له التقدم والنماء والتطور. أنتم أعلم بأمر دنياكم. Donc le cheikh il dit, donc les salafiyoun, les gens qui suivent la voie des salaf et la compréhension des salaf dans la religion, eh bien dans les choses qui sont bénéfiques de la dunya et qui ne contredisent pas la charia de l'islam, eh bien, ils jugent pas selon qu'est-ce qui contredit ces choses. Ils jugent pas qu'est-ce qui contredit les choses bénéfiques de la dunya et qui ne contredisent pas la religion. Et ils jugent pas selon, dans ces choses-là, selon des critères des époques passées, comme ils disent. Par exemple, il y a des choses dans la dunya, il y a des choses de la dunya qui changent, qui évoluent, hein? Et il y a des choses qui se faisaient dans le passé, qui ont évolué maintenant dans les choses de la dunya, et qui ne sont pas en contradiction avec l'islam. Donc il n'y a pas de mal de les utiliser, de les employer et d'en profiter, puisque c'est des choses qui sont utiles et bénéfiques. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, yani, vous connaissez mieux les affaires de votre dunya, donc les choses de la dunya, puis si on les fait et que c'est pas contraire à l'islam, pas contraire à la charia, il n'y a aucun problème. Ils ne veulent pas faire retourner la société en arrière. Au contraire, ils veulent l'avancement, hein, de la société et la croissance et l'évolution de la société. C'est ça la vérité. Naam. Mais souvent, ces gens-là, quand ils disent ce genre de paroles, hein, les gens qui disent ce genre de propos, souvent, c'est des gens qui veulent que les musulmans cessent de juger selon les principes de la charia dans les affaires qui ont rapport avec la religion ou les affaires qui ont rapport avec la morale et le comportement, comme par exemple les questions qui ont rapport avec par exemple les mœurs, le comportement dans les affaires entre les hommes et les femmes par exemple, ou bien des choses de ce genre. Donc si par exemple dans l'islam on dit non, les femmes elles doivent être voilées, les hommes et les femmes ils sont séparés dans les endroits publics ou dans les endroits où ils sont dans les endroits où les hommes étrangers et les femmes étrangers vont circuler, tu vois, eh bien on va mettre des séparations. Dans le sens que on ne va pas permettre à des hommes et des femmes d'être isolés ensemble, de se mélanger ensemble, ou la mixité, des choses comme ça. Et on va demander, on va ordonner aux femmes de se voiler islamiquement, de couvrir leur parure, de couvrir leur corps, de ne pas exhiber les formes de leur corps ou les parties de leur corps dans la rue ou devant les hommes étrangers ou des choses comme ça. Et on ne va pas permettre l'adultère ou la fornication ou la sodomie ou des choses comme ça. Ça, c'est des choses interdites dans l'islam. Et eux, ils disent, ça c'est de l'évolution. Ça c'est pas de l'évolution, ça. C'est pas d'être évolué que de faire ces choses-là. Ça c'est, au contraire, c'est des choses qui rabaissent l'humanité, qui diminuent l'humanité, puisque c'est de s'éloigner de qu'est-ce qui est moral, de qu'est-ce qui est propre, de qu'est-ce qui est pur. Hein? Et donc ceux qui pensent que et d'interdire ces choses-là, c'est de retourner vers le passé, et que c'est vouloir être rétrograde ou des choses de ce genre, c'est parce que ça, c'est des gens qui n'ont aucune réelle compréhension ou réelle notion de qu'est-ce que signifie d'être évolué ou d'être civilisé, hein, comme on dit. Des gens qui vivent de cette façon, qui vivent dans la fornication, l'adultère, le zina, l'alcool, la drogue, le crime, le péché, tout ça, puis ils pensent que c'est ça d'être évolué. Dans ce cas-là, ça veut dire que si c'est ça pour eux d'être évolué, dans ce cas-là, il n'y a pas de, hein, il n'y a pas de doute que l'islam interdit ces choses-là. Et pour dire la vérité, ça n'a rien à voir avec l'évolution. Le troisième point qui est mentionné parmi les critiques que les gens mentionnent contre les salafis, il dit wa qawluhum yaghlibu alayhi uslub al-wa'z wa at-tadhkir. C'est-à-dire que ils disent que une des choses qui est plus apparente chez les salafis, c'est qu'ils utilisent les styles de l'exhortation et le rappel. Donc qu'est-ce qu'ils veulent dire là-dedans? Pourquoi ils pensent que ça c'est un blâme? Il dit aqul أسلوب الدعوة ينطلق مما علمنا إياه مما علمنا إياه الله عز وجل في القرآن العظيم وبلغنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم من ذلك ما جاء في قوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين والقرآن العظيم كتاب فيه موعظة قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وقال تعالى ولقد أنزلنا إليكم آيات بينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين وقال الراغب الأصفهاني رحمه الله وعظ يعني الوعظ زجر مقترن بتخويف وقال الخليل هو التذكير بالخير فيما يرق له القلب والعظة والموعظة الاسم قال تعالى يعظكم لعلكم تذكرون قل إنما أعظكم ذلكم توعظون قد جاءتكم موعظة من ربكم وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى وهدى وموعظة للمتقين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا فأعرض عنهم وعظهم. Donc le cheikh il explique, il dit que déjà la méthode de la da'wa, comment elle a été clarifiée, elle part dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné dans son livre et ce que notre prophète nous a enseigné dans la sunna. Et il dit qu'on voit par exemple dans le Coran, le verset 125, dans surat Al-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Appelle au chemin de ton Seigneur par la sagesse et la bonne exhortation et argumente et discute avec eux de la meilleure manière. Certes, ton Seigneur connaît mieux celui qui s'est égaré de son chemin et il connaît mieux ceux qui sont bien guidés. Ensuite, il dit que le Coran, Al-Azim, il y a plein d'exhortations dedans. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 57 dans Sourate Yunus, « Ô vous les hommes, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, ainsi que un remède pour ce qu'il y a dans les poitrines, une guidance et une miséricorde pour les croyants. » Et il dit dans le verset 34 dans Sourate An-Nur, il dit « Nous avons fait descendre sur vous des versets clairs, clairs, et des exemples de ceux qui sont morts avant vous, et une exhortation pour les pieux. » Et il cite ensuite la parole de Ar-Raghib al-Asfahani dans son explication des termes du Coran, qui clarifie le terme wa'iza, al-wa'z. Il dit que c'est un blâme qui est accompagné de peur, du fait de faire peur ou de mentionner ce qui fait peur. Et Al-Khalil, un autre savant de la langue, il mentionne la signification du terme at-tadhkir, c'est-à-dire c'est de rappeler ou de mentionner le bien des choses qui vont adoucir le cœur. Et l'exhortation, c'est-à-dire de donner une exhortation, c'est de donner un rappel pour donner une leçon. Et donc il mentionne plein de versets, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il vous exhorte pour que vous puissiez vous rappeler. Et ainsi de suite. Il mentionne beaucoup de versets et je vais juste vous mentionner les numéros. Le verset 90 dans Sourate An-Nahl, le verset 46 dans Sourate Saba, le verset 3 dans Sourate Al-Mujadala, le verset 57 dans Sourate Yunus, le verset 120 dans Sourate Hud, le verset 46 dans Sourate Al-Ma'ida, le verset 145 dans Sourate Al-A'raf et le verset 63 dans Sourate An-Nisa. Donc tout ça c'est tiré du livre Al-Mufradat de Ar-Raghib Al-Asfahani. Il dit ensuite « والسلوك الإنساني هو نتيجة اعتقاد وفكرة وعاطفة ودوافع والوعظ ينجع في ذلك جميعه لذلك كان التذكير برحمة الله وبغضب الله وبالجنة ونعيمها والنار وجحيمها من أنفع ما يعالج به سلوك الإنسان إذا ما خرج عن الصراط المستقيم فلا لوم على السلفيين في كونهم يستعملون هذا الأسلوب ولا لوم عليهم في كون هذا الأسلوب غالبا عليهم إذ أسلوب بيان الأحكام وتقريرها ومخاطبة العقل لا ينفع عادة مع عامة الناس الذين هم بحاجة ماسة إلى التذكير بالله وباليوم الآخر. Donc le cheikh il explique que le comportement humain c'est le résultat de la conviction, de la pensée, des sentiments et des on peut dire que c'est les choses qui sont des incitations ou des motivations. Dawafi' c'est les motivations. Et donc l'exhortation c'est une des choses qui aide dans toutes ces choses là c'est-à-dire que par le rappel de la miséricorde d'Allah, de la colère d'Allah, du paradis et de ses délices, de l'enfer et de ses flammes et de sa chaleur brûlante, ça c'est parmi les choses qui sont les plus bénéfiques pour corriger et remédier aux problèmes de conduite et de comportement chez l'humain lorsqu'il sort du droit chemin. Et donc il n'y a pas de blâme à faire aux salafis dans le fait qu'ils utilisent cette méthode pour exhorter les gens et pour les ramener au droit chemin. Et il n'y a pas non plus de blâme pour eux du fait qu'ils utilisent de façon générale cette méthode, puisque la méthode d'utiliser la clarification des règles et de les établir et de s'adresser à la raison, il dit que la plupart du temps, ça c'est uniquement, c'est pas dans le sens que ça c'est pas bénéfique avec tout le monde. C'est bénéfique, c'est pas toujours bénéfique avec le commun des gens. Puisque les gens ont besoin d'exhortation et de rappel d'Allah et du jour de la résurrection, du jour dernier. Non. Le point numéro 4, parmi les critiques et les reproches qui sont faites aux salafiyins, il dit « قَوْلُهُمْ يَغْلِبُ عَلَيْهِ الْإِرْهَابُ وَالْتَرْهِيبُ » يقول الشيخ محمد بزمول هذا خطأ والخطأ الفردي لا يمثل إلا صاحبه إذ الصحيح أن الترهيب قرينه الترغيب يعني الترهيب قرينه الترغيب وأن يكون المؤمن بين الخوف والرجاء وليس من الدين في شيء اتخاذ الخطاب بالترهيب دون الترغيب والرسول صلى الله عليه وسلم إنما أرسله الله بشيرا ونذيرا قال تعالى إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم وقال تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال تبارك وتعالى إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ودين الرسول صلى الله عليه وسلم الحنيفية السمحة وأمر بالتيسير وترك التشديد والتنطع يعني donc le cheikh il explique que de dire que la religion c'est-à-dire la salafia c'est quelque chose qui est en grande partie de l'effroi, de faire peur, hein, ou de la terreur, de terroriser, de vouloir faire peur. Il dit ça, c'est pas correct. Et il dit l'erreur d'un individu, ça ne doit pas représenter autre personne que lui-même. Et donc, qu'est-ce qui est correct de dire, c'est que lorsqu'on fait le rappel et l'exhortation, on utilise la peur ou la crainte, mais on utilise aussi le fait de l'incitation, du fait de vouloir utiliser qu'est-ce qui va amener les personnes à aimer vouloir faire les bonnes œuvres et des choses de ce genre. Donc tu mentionnes qu'est-ce qui fait peur et en même temps tu mentionnes ce qui fait aimer aussi. Parce que le croyant, il doit être entre la crainte et l'espoir. Pas seulement la crainte tout seul. Et il dit que la religion, c'est pas juste de prendre le discours qui fait peur seulement, sans amener le discours qui amène de l'espoir et qui amène les gens à espérer ou à aimer, faire les bonnes œuvres et espérer en la récompense d'Allah. Donc le messager, sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé comme un avertisseur d'un châtiment, et comme un annonciateur aussi d'une bonne nouvelle. Donc pas seulement pour avertir, mais aussi pour annoncer une bonne nouvelle. Et il mentionne des versets à ce sujet-là dans Surat Al-Baqarah, le verset 119, et dans Surat Saba, le verset 28, et dans également Surat Fatir, le verset 24, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala mentionne « Nous t'avons envoyé avec la vérité comme un annonciateur de bonnes nouvelles et un avertisseur, hein, contre le châtiment. Hein. » Et il répète cela dans plusieurs versets dans le Coran. Il dit également que la religion du messager, sallallahu alayhi wa sallam, c'est la religion qui est al-hanifiyya al-samha. C'est comme ça qu'on a décrit l'islam. Al-hanifiyya al-samha. Et al-hanifiyya, c'est la religion d'Abraham. Hein? Il dit le cheikh, An ibn Abbas radiallahu anhu qal, قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله قال الحنيفية السمحة والحديث نص في أن الإسلام حنيفية سمحة والسماحة تتنافى مع اتخاذ وسيلة الترهيب وحدها مركبا ووسيلا. Donc le cheikh explique que donc la religion de l'islam c'est al-hanifiyya al-samha, c'est-à-dire la tolérance, et al-hanifiyya c'est la religion d'Abraham, la religion du pur monothéisme. Et il dit que l'islam ordonne également la facilité et d'abandonner ce qui est la dureté, ou de rendre la religion trop dure et d'être extrémiste et d'exagérer dans la religion. Donc le cheikh il dit que c'est rapporté selon Ibn Abbas radiallahu anhu anhuma, qu'il a dit qila li rasulillah, on a demandé au messager d'Allah, ou on a dit au messager d'Allah, laquelle des religions est la plus aimée d'Allah, et il a répondu en disant al-hanifiyya al-samha, al-hanifiyya al-samha, habbuddin ilallah al-hanifiyya al-samha. Et donc ça c'est rapporté par l'imam Ahmed, et c'est également rapporté par Al-Bukhari dans Al-Adab Al-Mufrad, et par Abd ibn Humayd dans sa Musnad. Et puis donc c'est ça, il est authentifié également, il est déclaré Hassan par Cheikh Nasiruddin Al-Albani dans Sahih Al-Adab Al-Mufrad, de même que dans Al-Silsilat Al-Hadith Al-Sahiha. Ensuite, il dit que le hadith, il mentionne donc que l'islam, l'islam c'est al-hanifiyya al-samha. Et al-samaha, c'est le fait d'être tolérant, hein, d'être tolérant et d'être indulgent aussi. Et ça, ça vient en contradiction avec le fait de prendre uniquement par la crainte et la peur comme moyen pour appeler les gens. Et il dit que c'est rapporté selon Anas ibn Malik. Il dit an Anas ibn Malik an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala yassiru wa la tu'assiru bashiru wa la tunaffiru innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin wal hadith ya'muru bit taysir wa tark at tanfir wa at ta'sir mimma yastalzimu tark al ghulu وطلب الوسط إذ اليسر هو السماحة وترك التشدد وخير الأمور الوسط. وقد بوب البخاري على حديث كتاب الأدب المفرد باب أو كتاب الأدب باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يسر ولا تعسر وكان يحب التخفيف واليسر على الناس. وقد أخذ العلماء بهذا الأمر فعقدوا قاعدة فقهية وهي من قواعد الفقه الكبرى والتي عليها مدار الفقه الإسلامي وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير ومن فروعها الضرورة تبيح المحظورة والرضا بأهون الضررين لدفع علىهما إذ لم يكن من أحدهما أو إذا لم يكن من أحدهما بد. نعم. Donc le cheikh il explique que le hadith il ordonne donc la facilité et d'abandonner la difficulté, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit yassiru wa la tu'assiru, ça veut dire quoi? Rendez les choses faciles pour les gens et ne les rendez pas difficiles. Bashiru wa la tunaffiru. Bashiru, c'est-à-dire faites aux gens, dites aux gens des choses qui vont leur faire annoncer des bonnes nouvelles, des bonnes choses, des choses plaisantes, et ne les faites pas fuir. Il dit vous êtes uniquement envoyés comme des gens pour faciliter et non pas pour rendre la vie difficile et rendre la religion difficile. Donc ça c'est très important, c'est très important, et il faut toujours se rappeler de ça, parce que il y a des gens qui pensent que il faut être toujours sévère, strict et dur, mais dans l'extrême parfois, ils vont dans l'extrême, Et ça, c'est très grave et c'est très mauvais. Et on a vu beaucoup de gens comme ça, ici surtout. Yani, des fois, c'est des convertis. Des fois, c'est des gens qui sont nés dans l'islam, mais qui n'ont pas pratiqué l'islam, puis qui commencent à revenir à la religion. Puis, ils veulent tout mettre en pratique, mais d'une manière qui est extrémiste. Et tu vois que ces gens-là, ils commencent comme ça, puis ils vont comme ça pendant 3 ans, 5 ans, puis après tu les vois chuter des fois, et yani Allah al-Musta'an, ils tombent parfois très bas. Et surtout si parmi eux il y en a qui sont mariés par exemple, et que la personne avec qui ils sont mariés, elle n'est pas au même niveau dans la foi, et que eux ils commencent à vouloir imposer des choses très dures à leurs femmes, et des choses même parfois qui sont même pas dans la religion, mais que eux ils veulent absolument implémenter ou forcer sur leur famille, et ça rend la vie vraiment difficile. Surtout que on n'est pas dans un pays musulman, on est dans un pays de kofre. Il faut être quand même réaliste sur ce plan-là, dans le sens que si tu essaies de pratiquer tout à la perfection, 100%, yani, subhanallah, tu vas avoir beaucoup de difficultés. Et le professeur Sam, il a averti à ce sujet-là que celui qui essaie d'être trop dur dans la religion, cette religion-là, l'islam, elle va l'écraser. L'islam va l'écraser. Parce que tu ne peux pas. Hein, tu ne peux pas avoir le dessus sur l'islam. Donc, il faut savoir être souple. Hein, et prendre les facilités lorsqu'elles se présentent dans la charia, et de ne pas essayer de rendre la religion plus compliquée et plus difficile, mais au contraire de prendre les facilités et de la rendre plus facile. Naam. Donc ça c'est des choses. Il y a des gens, j'ai vu, ils sont venus ici à Montréal ou bien dans d'autres pays, et ils ont voulu appliquer des choses et pratiquer des choses qui sont même pas dans la religion. C'est-à-dire des choses, eux, ils les ont rendues haram, alors que c'est pas haram, mais eux, ils l'ont rendu haram. Et ils ont voulu imposer ça à leur famille et leurs enfants, et à force d'être trop durs comme ça, ils ont perdu leur femme et leurs enfants, et après, maintenant tu les vois, ils n'ont plus rien. Donc, tout ça, pourquoi? Parce qu'ils ont voulu être trop durs dans la religion. Leur femme est partie, les enfants sont partis, maintenant plus rien. Tu vois? Donc, faites attention dans ces choses-là. Hein? Et soyez pas dans l'extrême dans ces questions-là. Et, yani, non seulement on est, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas dans un pays musulman, ça ne veut pas dire de permettre de faire des péchés ou de faire qu'est-ce qui est haram, non. Mais ça veut dire de ne pas aller dans, rendre haram des choses qui ne sont pas haram, et de vouloir exagérer dans des choses, ça c'est pas correct. Et puis même dans les pays musulmans actuellement, hein, les musulmans sont faibles, les musulmans ils ont beaucoup de faiblesses, beaucoup de manque de foi, beaucoup d'ignorance. Yani, tu penses que tu vas appliquer l'islam comme les sahaba aujourd'hui dans les pays musulmans? Les gens sont loin encore, donc il faut y aller avec sagesse, il faut y aller avec patience. C'est pas comme ça que tu penses que les gens du jour au lendemain ils vont être corrects à 100%, ils vont tous appliquer la sunna, tous appliquer l'islam. Donc il faut savoir y aller avec sagesse et être doux avec les gens. Et tu dois être réaliste aussi, pas penser que les gens, tu leur dis quelque chose puis demain ils vont changer de A à Z leur vie parce que toi tu leur as parlé. Donc il faut être conscient que le changement des fois ça peut prendre du temps. Il dit le cheikh aussi du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith il nous ordonne donc de prendre la facilité et d'abandonner le fait de faire fuir les gens et de leur rendre la religion difficile, et ça implique également d'abandonner l'extrémisme et de chercher le juste milieu. Et il dit parce que la tolérance c'est dans la facilité et dans le fait de délaisser l'extrémisme et la dureté excessive dans la religion. Le mieux, c'est d'être dans dans le juste milieu. Et l'imam al-Bukhari, il a mentionné comme titre dans un de ses chapitres de son livre Kitab al-Adab, il a mis comme titre قول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا. C'est-à-dire, il a mis la parole comme titre, la parole du prophète صلى الله عليه وسلم, rendez les choses faciles et ne les rendez pas difficiles. Et il a dit كان يجب التخفيف واليسر على الناس. كان يحب التخفيف واليسر على الناس. Il aimait pour les gens de rendre les choses légères et de les rendre faciles pour les gens. Allah al-Musta'an, des fois il y a des gens, ils sont vraiment durs avec eux-mêmes et avec les autres, et parfois ils sont plus durs avec les autres qu'avec eux-mêmes. Donc là tu vois qu'il y a un problème. T'exiges que tout le monde applique tout à la lettre, et en particulier certains, même avec leur épouse par exemple, ils veulent que leur épouse pratique tout de la religion, mais eux ils se permettent de faire ce qu'ils veulent. Ça, c'est pas normal. Pour toi c'est permis, puis pour les autres c'est pas permis. Non, il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait quand même de l'équilibre, de la justice. Sois plus dur avec toi-même qu'avec les autres, déjà en partant. Commence par toi-même, et après tu pourras commencer à donner le bon conseil aux autres. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ. Est-ce que vous ordonnez aux gens le bien puis vous oubliez votre propre personne alors que vous lisez le livre? أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Est-ce que vous réfléchissez pas? Donc ça, c'est très important. Et après il dit même que les ulama, ils ont pris de ce hadith une règle dans le fiqh. Ils en ont même fait une parmi les cinq grandes règles du fiqh islamique, sur lesquelles les règles du fiqh sont établies. Et cette règle, c'est la suivante en arabe, ça dit al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. C'est-à-dire que quand il y a une difficulté quelconque reliée à la religion, ça appelle à utiliser la facilité et à rendre les choses faciles. Et parmi les branches de cette base, ou de ce principe, de cette règle fondamentale du fiqh, il y a une des branches de cette règle qui dit ad-darura tubihul mahzura. C'est-à-dire que lorsque quelque chose devient une nécessité, elle rend permise ce qui est interdit. Comme par exemple, vous connaissez les exemples de ça. Si quelque chose, par exemple, vous êtes dans un endroit où il n'y a pas de nourriture, et que la seule chose que vous avez à manger, c'est un animal qui est mort, ou bien du porc ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous allez rester comme ça puis mourir de faim? Non, vous allez manger ce qui vous permet de rester en vie par nécessité dans ce cas-là. Donc ça, c'est permis pour vous parce que c'est une nécessité. Donc la nécessité, ça rend permis ce qui est interdit. Ça, c'est une des règles qui découle de la règle al-mashaqqa tajlibu at-taysir. Une autre règle, ça dit ar-ridha. Il y en a une autre règle qui en découle, c'est ar-ridha bi أهون الضررين لدفع أعلاهما. C'est-à-dire que si tu as le choix entre deux choses qui sont mauvaises, qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Tu prends celle qui est moindre des deux pour repousser celle qui est plus grave. إذا لم يكن من أحدهما بد. Quand tu n'as pas le choix de prendre l'une des deux, tu choisis celle qui est moins pire. Donc, des fois, et ça c'est un rapport aussi avec des choses, même dans la vie, les gens, dans la vie par exemple, on n'a pas toujours noir et blanc. Des fois, on a des situations, c'est gris, c'est pas clair. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « Inna al-halal abayyin wa inna al-haram abayyin, wa baynahuma umur mushtabihat, la ya'lamuhunna kathirun minan nas. » فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. Bon, il y a des choses qui sont haram, qui sont claires, il y a des choses claires, hein, qui sont halal, et c'est clair, il n'y a pas de doute. Mais entre les deux, il y a des choses qui sont douteuses, que peu de gens connaissent, sauf les ulama. Alors, si tu veux préserver ta religion, tu restes loin de ça. Mais en même temps aussi, il faut savoir que des fois, tu es pris dans une situation, tu n'as pas d'autre choix. C'est soit qu'il y a une chose qui est haram ou une autre qui est haram. Et tu dois choisir entre une des deux. Les deux sont haram. Les deux. Donc, là, ce n'est pas une question où tu as le choix entre halal et haram. Non. Là, ton choix, c'est entre haram et haram. Qu'est-ce que tu fais? Tu regardes laquelle des deux est plus, hein, est plus dangereuse et plus grave, laquelle des deux est moindre, et tu prends la moindre des deux. Quand tu n'as pas le choix de prendre une des deux. Il dit ensuite le cheikh, « وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال هلك المتنطعون قالها ثلاثا هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. Et ça, c'est un hadith qui est rapporté par Muslim selon Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه. Et il dit وهم المتعمقون المتشددون. المتنطعون هم المتعمقون المتشددون. Donc dans ce hadith qui est rapporté par l'imam Muslim selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il a dit que périssent les extrémistes, que périssent les extrémistes, que périssent les extrémistes. Et il l'a dit trois fois. Et il a dit, le cheikh il explique, il dit qu'est-ce que ça veut dire al-mutanatti'un, ça veut dire ceux qui sont al-muta'ammiqun, c'est-à-dire des gens qui veulent trop aller dans les détails profonds, pour exagérer dans les détails, dans les petites choses. Al-mutashaddidun, c'est-à-dire ceux qui sont durs, hein, extrêmement durs dans la religion, durs d'une façon exagérée. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Et ça, c'est les caractéristiques qu'on retrouve souvent chez les khawarij, cette dureté-là dans la religion. Allah al-musta'an. Et le cheikh il dit فَأَيْنَ هَذَا عَنْ مَنْ يَتَّخِذَ التَّرْهِيبُ فَقَدْ وَسِيلَةً لِدَعْوَةِ النَّاسِ وَلَا أَطِيلُ فِي الرَّدْ إِذْ هُوَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِنَ الْأُمُورِ الْمُقَرَّرَةِ وَالسَّلَفِيَّةِ مِنْهَا بَرَاءٌ. C'est ça que le cheikh dit. Donc, quand on a lu tous ces textes-là qui nous mentionnent le fait d'aller dans la facilité, de ne pas rendre la religion difficile, et que les gens qui exagèrent, qui sont extrémistes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'ils vont périr, hein, sans mentionner le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Iyakum wal-ghulu fid-din, fa'innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid-din. » Prenez garde à l'exagération dans la religion. Parce que c'est l'exagération et l'extrémisme dans la religion qui a fait périr ceux qui étaient là avant vous. Hein? Qu'est-ce qui a fait périr les chrétiens et les juifs? C'est l'extrémisme dans leur religion. Ils ont tellement été extrémistes, hein, que regardez maintenant. Les gens, ils sont complètement égarés. Les chrétiens pratiquent presque plus leur religion, ni les juifs. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils ont trop exagéré dans leur religion. Ils ont péri maintenant. Hein? Même leur religion, à cause de ça, elle a été falsifiée, déformée. Le livre, ils ont joué avec, ils ont fait n'importe quoi. Pourquoi? Parce que la religion est trop dure. Les gens essaient de jouer avec, faire ce qu'ils veulent avec. Maintenant, c'est devenu un jeu. La religion chrétienne, la religion juive, c'est devenu un jeu. Et là, maintenant, eux, ils veulent essayer de faire la même chose avec l'islam. Et ils poussent des gens à faire des actes de terrorisme, de l'extrémisme, pour blâmer l'islam, pour critiquer les musulmans, puis pour après forcer les musulmans à essayer de changer l'islam par la suite. Et ils pensent que on peut changer l'islam comme les chrétiens ont changé le christianisme ou comme les juifs ont changé le judaïsme. Mais c'est pas le cas. C'est pas le nombre des gens qui peut en islam déterminer les règles de la religion. C'est pas les gens c'est pas les musulmans eux-mêmes qui ont le choix ou qui peuvent par eux-mêmes décider de qu'est-ce qui est acceptable ou non dans, dans l'islam, puisque c'est une religion qui est révélée par Allah, et donc les croyants doivent se soumettre à qu'est-ce qui est révélé. Le cheikh il dit, je ne vais pas prendre beaucoup de temps ici pour répondre à, ou réfuter cette idée-là. Il dit parce que, alhamdoulilah, cette chose-là, elle est connue dans la religion et elle est établie chez les salafis. Et les salafis sont innocents de cette dureté. Et c'est triste qu'aujourd'hui, les gens, ils associent la dureté dans la religion à la salafia. Par exemple, tu vois que certains, même parmi les non-musulmans, ils pensent que quand quelqu'un il est dur dans la religion, ils disent « Ah, ça c'est un salafi. Hein? » Ou quand il est trop strict dans la religion, ils disent « Ah, ça c'est un salafi. » Ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est la salafia, la aqida, hein? Le manhaj, l'usul, hein? L'usul salafia, ils comprennent, ils connaissent pas. Mais ils disent tout de suite, quelqu'un qui est dur dans la religion, salafi. Il a une barbe, salafi. Niqab, jilbab, salafi. Alors que c'est, des fois, ce n'est même pas des salafis. Il y en a des fois, c'est des soufis, il y en a, c'est des khawarij, il y en a, c'est des takfiriyin, il y en a, c'est des... toutes sortes de tendances. Ils ont l'apparence, mais ils ne sont pas salafis. Donc, juste de se baser sur l'apparence extérieure pour dire qui est salafi, ça, ça ne marche pas. Ce n'est pas comme ça. Et le fait que quelqu'un soit dur, ça ne veut pas dire qu'il est salafi. Hein? Au contraire, on a vu les preuves dans le Coran, dans la Sunna, que le salafi doit être... hein, il doit être équilibré, modéré. Il ne doit pas aller dans un extrême. Il ne doit pas aller dans le laxisme. Il doit être dans le juste milieu. Il dit ensuite, وَمِنْ هَذَا قَوْلُ بَعْضِهِمْ إِنَّ كُتُبَ أَئِمَّةَ الدَّعْوَى تَحْمِلُ فِي طِيَاتِهَا الْإِرْهَابُ وَالتَّكْفِيرُ. أقول هذه دعوة لم يأتوا عليها بدليل بل مجرد إيراد التكفيريين لكلام أئمة الدعوة السلفية يعني أن كتبهم تقرر التكفير. هل يقال عن القرآن العظيم والسنة النبوية أنها تحمل في طياتها التكفير والإرهاب؟ إن كتب أئمة الدعوة كتب علم، كتب علم يقوم على أساس القرآن العظيم والسنة النبوية وكلام الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. لا تقرر مسائل التكفير بطريقة التكفيريين، ولا تدعو إلى الإرهاب الذي يدعو إليه الإرهابيون، ولا يستطيع أحد إلا ما شاء الله أن يأتي بكلام أئمة الدعوة فيه خلاف الحق في هذا الباب إلا ما يجده مما حمل فيه كلام العالم على غير وجهه. Donc le cheikh il dit, certaines personnes ils ont dit que les livres des imams de la da'wa contiennent des pensées du terrorisme et du takfir, ou des idées du takfir et du terrorisme. Et le cheikh il répond en disant, ça, cette prétention-là, elle n'est basée sur aucune preuve. Il dit, le simple fait que les takfiriyins se réfèrent aux livres des imams de la da'wah salafiyah, ça ne veut pas dire que ces livres-là supportent le takfir ou le terrorisme. Hein? Des égarés, des ignorants qui prennent les livres des imams ou les livres d'Ibn Taymiyyah ou les livres d'Ibn al-Qayyim essaient de justifier leur position en se basant sur ces livres-là. Ils ne comprennent même pas ce qui est écrit dedans. Ils ne savent même pas lire correctement ces fatawas et ces paroles des ulama. Et ils les interprètent comme ils interprètent le Coran et la Sunna à tort et à travers. Donc s'ils sont capables de déformer le sens du Coran et le sens des hadiths, bien ils sont encore plus facilement capables de déformer le sens des paroles des ulama. Et entre eux, parmi eux, les paroles des ulama, il y en a parmi les imams de la da'wa salafiyya. Donc il dit, les imams de la da'wa, le fait que les takfirines citent leurs propos, ça ne veut pas dire que les livres de ces imams-là supportent et confirment la position des gens de takfir. De même que, est-ce qu'on va dire que le Coran et la Sunna al-Nabawiyya portent ou supportent les positions de takfir et de terrorisme? Il dit que les livres des imams de la da'wah, ce sont des livres de science islamique qui sont établis sur les bases du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des paroles des sahaba et de ceux qui les ont suivis de la meilleure façon, et qui confirment des questions qui ont rapport avec le takfir, mais pas de la façon des takfiriyins, pas selon la méthodologie ou la voie des takfiriyins. Hein? Donc, les questions de takfir ont été mentionnées, mais selon la position et la voie des ulama et des imams d'Ahl Sunnah wal Jama'a et des salafiyins, et non pas selon la voie des takfiriyins ou des gens qui essaient de justifier le terrorisme et ce genre de choses. Et donc il dit, il n'y a personne qui est capable de ramener parmi les paroles des imams de la da'wah quelque chose qui contredit la vérité dans ce domaine-là. Excepté ce qu'ils vont essayer de ramener et qu'ils vont essayer d'interpréter des paroles de ce savant d'une manière qui est en contradiction avec ou qui est contraire avec la compréhension correcte de ses propos. Parce que c'est ça que les takfirines font des fois. Ils vont prendre des paroles des savants et ils vont couper là où ils ne doivent pas couper. Ou bien ils vont mal interpréter ou mal comprendre les propos de ces savants-là. D'accord ? C'est-à-dire ils vont les interpréter selon des façons qui contredisent les principes de l'islam et la compréhension de Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc ça, c'est très important de le comprendre. Et puis c'est une parole qu'on entend souvent, même de la part de certains soi-disant islamologues ou orientalistes qui ont dit, par exemple, à propos de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ils disent d'Ibn Taymiyyah des choses et ils prétendent des choses, parce que souvent les takfiris, les djihadis et ces différents individus déviés et égarés, ils se réfèrent aux paroles d'Ibn Taymiyyah et ils essaient de justifier leur position dans le djihad en se basant sur les fatwas de Ibn Taymiyyah, en particulier le volume 28. Et la plupart d'entre eux, ils ne comprennent pas comme il faut. Ils ne peuvent pas comprendre comme il faut les propos d'Ibn Taymiyyah, parce que ce sont des juhal, ce sont des ignorants. Ce ne sont pas des ulama. Donc, ces orientalistes ou ces islamologues, eh bien, ils prennent le fait que ces égarés prennent les paroles d'Ibn Taymiyyah comme référence pour essayer de justifier que Ibn Taymiyyah, il était à l'origine de ces pensées-là. Bien entendu, on sait très bien la vérité à ce sujet. Ce n'est pas Ibn Taymiyyah qui les a influencés, mais c'est surtout les individus qui ont suivi la voie des Ikhwan, comme Sayyid Qutb et Hassan al-Banna, et ceux qui ont suivi ces tendances-là, parmi les gens qui suivent les tendances de ces takfiriyins, de ces gens à notre époque. Allah al-Musta'an. Donc on va s'arrêter ici pour le cours d'aujourd'hui, et puis on continuera la semaine prochaine avec les autres exemples, les autres points qui sont mentionnés. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.